J'ai l'impression que j'ai pas la même vie que vous. Je me livre avant que les pages de ma vie se ferment. Article bad boy, ressent la vibe. Balafré depuis la naissance, je suis sensible. J'ai du mal à vous parler sans être sincère. Sous mon bord se cache un million de malaise. Un film, un drame, du sang, des larmes. Et je m'évade dans des sphères. J'ai peur comme chaque homme. Clique sur mon cœur. Tu verras c'est quoi la détresse instable. Incontrôlable, je pète un câble. Ça m'a tué d'être orphelin, mais je vais gravir les stades. Je suis un lion, un chien en rage. Fini le temps où juste avec un regard on pouvait m'abattre. J'ai l'espoir d'un peuple, ma zig sentira toujours la souffrance. Il me dit pas d'arrêter. C'est comme demander à un enfant de Soweto de plus parler d'apartheid. Mais impossible, ma vie c'est l'épreuve. J'espère m'en sortir bon élève, Dieu me guide. Mais pour prouver, dis au monde que j'arrive deux fois plus gros et plus fort encore. Mais pour prouver, dans mes yeux l'envie de vaincre, l'envie d'être numéro 1. Passe-moi le mic. Mais pour prouver, tout ce qui se passe n'est qu'un affrontement. Et je me bats depuis le commencement. Mais pour prouver, ma vie c'est l'épreuve. Je suis brave et mon blaze circule dans les hautes sphères jusqu'aux caves. Et les étages sont durs à monter grave. Malgré ça, négro, j'ai lâché mon champ de vision. Je veux construire, être quelqu'un. Tous les héros sont morts au combat et mon bonheur, je sais où je vais le planquer. Leader, pas suiveur. J'entends les mots me dire, je veux être comme lui. Tout ce que je réponds, c'est qu'il est l'heure. Je parle aux volcans et aux océans. Quand je brûle le mic, tout se passe en profondeur. Les choses changent, je peux plus attendre. Chaque jour est un pas vers la sortie. L'ouragan est en train de s'étendre. Je chante l'amour, la paix, l'union, la peur quand ça va mal. Des larmes amères, je pleure. Quoi qu'il se passe, je serai au rendez-vous. Jusqu'à la fin, compte avec moi, négro. Je suis là pour prouver. Ma vie, c'est l'épreuve. J'espère m'en sortir, bon élève, Dieu me guide. Mais pour prouver, dis au monde que j'arrive deux fois plus gros et plus fort encore. Mais pour prouver, dans mes yeux, l'envie de vaincre, l'envie d'être numéro 1. Passe-moi le mic. Pour prouver, tout ce qui se passe n'est qu'un affrontement. Et je me bats depuis le commencement. J'ai douté de moi, j'ai eu tort. J'ai voulu te changer, j'avais tort. Je suis moi, je suis fort et je vais le prouver. Tu m'aimeras tant que mon rap aura une âme. Je suis celui que les ignorants blâment et que le peuple acclame. Inattendu, du rap fraîche, alors qu'est-ce t'en dis? Je sais que t'as une impression de déjà entendu. La vie, c'est un recommencement et moi, je suis pas en baisse, non. Touche ton cœur, sentis les battements. 2002 manières de me haïr ou de m'aimer, c'était down. J'ai aucune raison de trahir, ça vient du cœur et des tripes. J'en place une pour Willy, Manjao, Thibault, Boss et les Ghetto Diplo, PC, Secteur A. Et tout le peuple qui me suit depuis le début dans le son. C'est pas des rapports de sous, mais un lien de sang. Sans souci, à 100%. Ma vie c'est l'épreuve, j'espère m'en sortir bon élève, Dieu me guide. Mais pour prouver, dis au monde que j'arrive deux fois plus gros et plus fort encore. Mais pour prouver, dans mes yeux l'envie de vaincre, l'envie d'être numéro 1. Passe-moi le mic. Mais pour prouver, tout ce qui se passe n'est qu'un affrontement. Et je me bats depuis le commencement. Mais pour prouver, ma vie c'est l'épreuve, j'espère m'en sortir bon élève, Dieu me guide. Mais pour prouver, dis au monde que j'arrive deux fois plus gros et plus fort encore. Mais pour prouver, dans mes yeux l'envie de vaincre, l'envie d'être numéro 1. Passe-moi le mic. Mais pour prouver, tout ce qui se passe n'est qu'un affrontement. Et je me bats depuis le commencement. Mais pour prouver.